Pia solo mamara mwana mwasi ya kolina likopo na dimi aiba na solo na mekaki na tuna motema na ye miseteli ye ege loko la zinde likambo hakangi motema wapi mwaye asali etu da memoara juje kaka tolinga na na ye ege Yé bangana lingio, c'est la vérité, y'a que la vérité. Oh yé ba mide, c'est la ya bandal, et comme linga likambo. Maman, maman, c'est pas possible. Ni tu mambo, yoka likambo. Pia solo mamara mwana mwasi ya kolina likopo na dimi aiba na solo na mikaki na tuna motema na ye miseteli ye ege loko la zinde likambo akangi motema wapi mwaye asali etu da memoara juje kaka tolinga na na yege Bangana lingio, c'est la vérité, rien que la vérité. Oh, y'a pas m'aider, c'est la y'a bandal, et comme linga likambo. Monte maï, y'a que monte bangana, kole la ga. Ma panzo y'a mété, comme linga likambo, y'a bigila et kiwaka. C'est la vérité, rien que la vérité, maman n'a les vies. N'a pas si confiance, n'a pas ni gorille remédé. C'est la vérité, rien que la vérité, n'a pas béni en tête que guerre. N'a pas imba, n'a pas combina, n'a pas talassé en qui t'en fait un magie. Et maman, bolingo, monte maï. Ire mote mangana kolelaga ma banzo ya mete comme ninga likambo ya bigila ekiraga c'est la vérité rigue la vérité on ti kudie ni ma yanga bosembo mama ye ye mona moto ye baka o mama gogo sambi ngai mobali na bala pena botana kumi kolanda osima boye C'est la vérité, rien que la vérité n'a pas sa n'a pas na yo. N'a pas si confiance n'a pas l'ingoko yo comédé. C'est la vérité, rien que la vérité n'a pas l'ingoko yo comédé. N'a pas l'ala, n'a pas l'ota, n'a pas l'ela, c'est un qui t'en fait la magie. Et maman, c'est la vérité, rien que la vérité. Oh, mais des bolingos. Oh, cool.